n'est pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si tu changes d'avis quand même, je te jure que tu ne serais pas déçu. Je ferai des efforts vestimentaires, je rentrerai à l'heure prévue. On passerait les dimanches à la mer comme on faisait au tout début. Alors laisse-moi faire, et laisse-moi faire. Oui, laisse-moi faire, je saurais faire. Oh, zen, zen, zen, zen, ça m'en fout, dis-moi où je vais. La chance que j'ai, ce que t'aimes pas, je les verrai plus. Tu verras cette fois-ci, je changerai, même si tu m'as jamais vraiment cru. J'ai trop le cœur en bandoulière et le corps aux objets perdus. Je préfère encore tout foutre en l'air que d'être sûr que c'est foutu. Alors laisse-moi faire, laisse-moi faire, et laisse-moi faire. Oh non. Ding, ding, ding, ding. Come on, fool.